suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Au-delà du clitoris, une série de Nejma Bouakra. Au départ de cette série, il y a ce clitoris en 3D qui a fait le tour des réseaux sociaux et cette impression qu'on pouvait aller plus loin pour tenter de faire le tour de la question jusqu'à se retrouver face à celle du plaisir. Alors pour commencer, les personnages. Une spécialiste de la sexualité, une chercheuse curieuse, une sexologue qui montre, une sociologue qui raconte, une historienne qui fait le point, un collectif et une sociologue sur une piste. Ensuite, le décor, la passivité, la 3D, des manuels scolaires, l'ambition sexuelle, l'orgasme psychologique, la recherche, le MLF, la révolution sexuelle, la sororité et un livre. Aujourd'hui, 4e épisode, on ouvre un livre et on éloigne les petites oreilles du poste. C-L-I-T-O-R-I. S. Au-delà du clitoris. C-L-I-T-O-R-I. Tout le plaisir est pour moi. S. Un documentaire de Nejma Bouakra. Le trou est négatif. Le trou demande que l'on se pense en creux. Les femmes sont moins ceci ou cela. Par exemple, dans leur sexualité, les femmes sont moins désirantes, moins rapides, moins courageuses, des vertes et des pas mûres. Le trou cherche à prendre le moins de place possible. Il veillera à garder son étroitesse, quitte à recourir à la chirurgie. Pour ses contours, le trou confondra la beauté avec la minceur, l'élégance avec la fragilité, le bien-être avec la gêne, la légèreté avec la faim. Le trou sait bien que l'anorexie est une mauvaise idée, mais quand même, ces nanas sont incroyablement volontaires et incroyablement bien rétribuées par leur exposition sociale. Perdre, c'est gagner. Il faut perdre pour être modèle. Le trou ne parlera pas trop fort, il se laissera couper la parole. Logique, puisque le trou ne peut parler que devant. Le trou comprend la fatalité qu'il y a à attirer le remplissage, y compris par le viol. Quand le trou dit que les hommes sont comme ça, des porcs, des enfants, des martiens, des gens sur lesquels on tombe au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il dit aussi que les femmes sont comme ça, des victimes. On entend parler de masculinité toxique, jamais de féminité toxique. Maya Mazoret, vous avez écrit un texte fort qui s'appelle « Féminité toxique ». C'était intéressant pour moi de parler de la féminité en général et pas que du sexe, alors que je suis experte en sexe, parce que la manière dont on parle de notre sexe, ça entraîne aussi plein de rapports sociaux. C'est-à-dire que quand on constitue les femmes comme espace négatif, passif, réceptif, alors on considère aussi que dans leur personne publique, elles vont être passives, négatives, réceptives. Et on voit bien que tout ce qui est dit sur le corps de la femme, c'est des choses qui sont dites sur le cerveau de la femme. Et que c'est des choses qui justifient le fait qu'on ne nous écoute pas quand on parle. Donc évidemment, je m'insurge contre ça. S'il existe un trou, où est le clitoris ? Le clitoris se situe donc au-delà du trou et c'est intéressant parce que autant en français on arrive à avoir des mots qui permettent de concevoir le clitoris, autant aux États-Unis, là où j'habite, le clitoris appartient à ce que eux appellent non pas la vulve, mais le vagin. C'est-à-dire que pour décrire l'extériorité du sexe féminin, on emploie le mot qui désigne son intériorité, comme si on n'arrivait toujours pas, aujourd'hui, à entrevoir l'idée que le corps féminin puisse avoir une extériorité aussi dans son sexe. La merveilleuse idée. Faire sortir des abysses le clitoris et lui donner du volume, une forme. Il tient dans la main, s'observe sous tous les angles, et ce qui était jusqu'ici perçu se matérialise. Cet organe à part entière, dédié au plaisir, sort de l'ombre, et grâce à la modélisation stylisée en 3D d'Odile Fillot, chercheuse indépendante, ce petit point rond sur les dessins de vulgarisation anatomique, au-dessus de l'entrée du vagin, ressemble davantage au pied bulbeux d'un rosier qu'à un joli bouton de rose. Les cours de sciences de la vie et de la terre peuvent ouvrir leurs pages à des regards curieux, ouverts à de nouvelles grammaires érotiques et non uniquement reproductives. Donc moi, ce que j'ai constaté, j'ai fait une étude sur les manuels de SVT en 2012. Odile Fillot. J'ai trouvé énormément de biais. Donc le biais dans la représentation du clitoris, en fait, c'était c'est comme ça que j'ai découvert ce problème et c'est ça qui a par tout un tas de chemins détournés, m'a finalement amené à créer ce modèle imprimable en 3D. Ben, je pense que c'est tout simplement que il y a eu, enfin je veux pas me jeter des fleurs, mais je crois que il y a vraiment eu un énorme buzz qui a été généré par ce clitoris 3D que j'ai créé en 2016. Et les auteurs de manuels scolaires, ben, ils ont découvert à quoi ressemblait un clitoris à ce moment-là, et voilà, ils ont pris conscience du fait que les schémas qu'ils reproduisaient depuis toujours dans les manuels scolaires étaient erronés. Et en revanche, en 2019, il y a eu une nouvelle mise à jour des programmes scolaires. C'est le programme de seconde qui a évolué. Et là, il y a, si je ne m'abuse, 5 éditeurs qui ont cette fois-ci, qui en ont profité pour mettre à jour leur dessin. Et donc, ils ont bien un dessin de clitoris entier. Maya Mazorette, on ne peut pas tout à fait dire que les femmes ne connaissent pas le clitoris. Il existe un savoir sensible. Il existe un savoir sensible, il existe aussi maintenant un savoir théorique de plus en plus. Ça fait environ 11 ans maintenant que le clitoris est vraiment devenu presque mainstream. Il y a des chaussettes clitoris, il y a des coussins clitoris, il y a des boules de Noël clitoris. Avec les travaux d'Odile Buisson, on a pu avoir des représentations en 3D du clitoris. On sait comment ça marche, non seulement à l'extérieur, le petit bouton qu'on voyait qui fait 0,7 cm. Maintenant, on sait qu'il surmonte 12 cm environ de pied du clitoris. Donc il y a ce savoir-là qui, je pense, aide à conceptualiser dans sa tête le rapport entre le sensible, l'expérience qu'on fait de son clitoris et du fait qu'effectivement il soit plus large qu'on l'imagine, et le fait de se dire, tiens, c'est pas juste dans ma tête, c'est effectivement parce que c'est grand à l'intérieur du corps. Je pense que c'est hyper important, ne serait-ce que symboliquement, dans l'image que les femmes ont d'elles, de leur corps et de leur appareil génital, qu'elles comprennent qu'elles ont un vrai organe à cet endroit-là, qu'il est érectile, enfin voilà, qu'elles ne sont pas juste un trou, un vide qui serait à combler, en particulier par un pénis. On en fait prendre conscience en montrant cet organe en entier, en particulier en mettant en évidence sa taille réelle, qui c'est pas juste un petit poids de 5 mm de diamètre. C'est vraiment un organe qui est exceptionnellement innervé, donc il y a une innervation très très dense, parce que les terminaisons nerveuses sensorielles, elles sont, il en existe de différents types, hein. Il y a des terminaisons qui vont être sensibles au froid, au chaud, aux vibrations, à la pression, aux étirements. Voilà, il y a plein de terminaisons nerveuses différentes. Il y a même des terminaisons nerveuses qui sont juste consacrées à la nociception, c'est-à-dire qu'elles vont simplement envoyer un signal de douleur et rien d'autre. Donc toutes ces terminaisons nerveuses, elles sont en très très grand nombre et très denses dans le clitoris. Et aussi, on trouve dans le clitoris un certain type de terminaison nerveuse qui est vraiment très très particulier, que certains appellent les corpuscules de la volupté, qu'on ne trouve en fait que dans le gland du clitoris et dans le gland du pénis. En fait, le clitoris a été tellement méconnu qu'il y a une espèce de retournement où on va dire « Ah, mais en fait, le clitoris est encore plus innervé que le pénis. » Donc, il y a cette histoire qui circule sur laquelle le clitoris aurait 8000 terminaisons nerveuses alors que le pénis n'en aurait que 4000. Donc ça, c'est pas vrai. Il y a un nombre de terminaisons nerveuses comparables entre le pénis et le clitoris. Voilà, de la même façon, on trouve parfois écrit que le clitoris est aussi grand que le pénis, voire même plus grand que le pénis. Et donc ça, c'est faux aussi, hein. Enfin, si on regarde le pénis en entier, c'est-à-dire y compris sa partie cachée, comme on mesure le clitoris, quand on dit que le clitoris fait à peu près 10 cm de long, grosso modo, on va trouver à peu près le double, à peu près 20 cm. Donc, de toute façon, c'est un peu... on va pas jouer à qui est la plus grosse, on va quand même pas tomber là-dedans. Je trouve ça dommage. Nathalie, recordons, la question du désir se porte aussi sur la manière dont on se représente sa sexualité, son corps. Est-ce que les femmes que vous rencontrez vous parlent de leur clitoris ? Alors, il y en a pas mal, effectivement, qui me parlent de leur clitoris. Pas forcément quand elle me parle du désir. Elle m'en parle plus quand elle parle de l'excitation ou justement du plaisir. Mais quand elles en parlent, effectivement, elles parlent plutôt de la partie qu'on voit, disons, que la partie qu'on voit pas. Parce qu'effectivement, chez un homme, c'est assez facile depuis qu'ils sont tout petits. Les garçons voient leur pénis, peuvent le toucher, le voir, voir comment il grossit. Alors qu'effectivement, chez nous, les femmes, une grande partie est à l'intérieur. Donc voilà, pas mal de patientes qui viennent me voir ont une méconnaissance de leur corps. Et du coup, on travaille ensemble par rapport à ça. Je leur montre des planches anatomiques, je leur demande de se regarder, de se toucher à la maison. Voilà, la question du clitoris ressort très souvent. Autant certains hommes se vantent peut-être parfois d'avoir un beau pénis, est-ce que les femmes, par exemple, ont cette facilité à pouvoir dire « Tiens, j'ai une jolie vulve ». Alors, j'en ai jamais vu, qui sont venues me voir et qui m'ont dit qu'elles avaient une jolie vulve. Donc il y en a pas mal qui peuvent être dégoûtés justement de leur sexe. Autrement, il y en a qui peuvent l'accepter. Après, j'ai jamais entendu une femme me dire qu'elle avait un sexe magnifique. Ça, c'est sûr. Enfin, il y a énormément de fausses croyances. Il y a les croyances par rapport à les femmes, par rapport à leur anatomie interne. Voilà, une des dernières fausses croyances que j'ai eues à démonter, c'était justement la longueur du vagin. Parce que le vagin n'est pas très long. Effectivement, c'est un muscle qui gros, qui s'élargit et qui s'allonge un petit peu. Mais voilà, pas de là à faire quelque chose de très très long. C'est un peu s'imaginer comme un puits sans fond. Exactement, tout à fait. Cette idée du trou, elle est très négative, je trouve. Certaines femmes intériorisent cette idée du trou. Enfin, en tout cas, celles qui ont peu de sensations, justement, au niveau vaginal, je pense qu'elles, c'est certainement parce qu'elles ont un peu des croyances liées à ça. Voilà, par trou, enfin, il n'y a pas forcément un fond, il n'y a pas forcément une membrane qui est contenante, il n'y a pas d'entrée non plus très nette. Donc voilà, effectivement, si on l'imagine comme ça, je vois assez mal comment on peut vraiment bien intégrer, disons, ses organes génitaux et sa sexualité, si on le voit comme ça. Puis la possibilité, justement, de ressentir des sensations. En 2015, la rappeuse Nicki Minaj lance au Cosmopolitan « J'exige d'être à l'apogée. Je demande tout le temps un orgasme. Je pense que les femmes devraient toutes l'exiger. » L'ambition sexuelle des femmes à pignon sur rue. Les glandes du clito ne se comptent plus, parcourant les rues avec leurs pochoirs. Le clito est devenu un emblème, voire le nouveau fétiche, d'une génération revendiquant émancipation et plaisir dans un même mouvement. Il faut dire que l'orgasme gap, cet écart dans l'accès à l'orgasme, entre hommes et femmes ressemble à une tranchée profonde. 57% des femmes contre 95% de leurs partenaires hommes déclarent accéder au septième ciel. Le rapport Haït, en 1976, avait pourtant déjà fondu le ciel des étourneaux pour révéler que l'outil principal de la jouissance féminine n'était autre que le clitoris. Oui, le clitoris reste explosif du fait même qu'il signifie la capacité d'autodétermination érotique des femmes et éventuellement le choix de certaines femmes de se passer d'une sexualité pénétrative et hétérosexuelle ou de préférer d'autres sexualités. Delphine Gardet, sociologue du genre et historienne. Il faut vraiment attendre, il faut aller de l'autre côté de l'Atlantique, il faut aller aux États-Unis. Pour pouvoir trouver chez Masters & Johnson, donc les orgasmologues, les premiers à monter cette clinique orgasmatique qui consiste à observer donc la physiologie de l'orgasme. Donc eux, ils travaillent contre Freud, travaillent comme des comportementalistes, c'est-à-dire que William Masters va se rendre compte qu'on connaît donc la physiologie de la reproduction humaine, mais qu'on ne sait rien de la physiologie de l'orgasme. Et donc, il va mettre au point un laboratoire expérimental qui consiste à observer d'abord des prostituées qui se masturbent, dont ils enregistrent finalement les dimensions physiologiques de leur activité sexuelle. Donc ils placent des capteurs, une caméra pénis, caméra Godemiché, disons, qui permet de regarder à l'intérieur du vagin, la vascularisation du vagin, prendre des photographies, etc., pendant la masturbation. Dans un deuxième temps, ils vont faire des observations sur des couples hétérosexuels, et puis il fera aussi des observations sur des hommes homosexuels. Mais dans ce programme arrive une autodidacte, une femme qui est Virginia Johnson, qui est une femme deux fois divorcée, secrétaire, qui n'a aucune formation médicale véritable et qui va être en fait la pourvoyeuse et un des agents essentiels de l'organisation, de toute l'infrastructure finalement nécessaire, le recrutement des personnes, le travail de care nécessaire. On imagine quand on fait venir deux sujets pour leur expliquer qu'ils vont donc avoir des relations sexuelles devant des tiers dans un laboratoire équipé de toute une série de capteurs, etc. Et donc c'est Virginia Johnson qui va apporter ses savoir-faire, mais aussi une série de questions et d'expériences, puisque manifestement Virginia Johnson avait une expérience de la vie sexuelle et amoureuse bien plus grande que celle de William Masters. Et donc elle va aussi apporter cette question du clitoris et de l'orgasme féminin, sans doute, même si c'est difficile à établir précisément, et ce n'est pas indifférent finalement aux résultats qu'auront William et Masters et Virginia Johnson en matière d'orgasme clitoridien, puisqu'ils vont être ceux qui vont mettre en évidence les capacités orgastiques des femmes du point de vue clitoridien. Et donc, ils vont le faire, notamment parce qu'il y a aussi une femme dans l'équipe. Ils vont donc créer des bases de données quantitatives, puisqu'ils vont observer, je crois, plus de 10 000 orgasmes, faire des dessins, etc., compiler tout un travail de compilation pour objectiver ce qui va servir à fonder ce qu'on appelle la sexologie moderne, contemporaine. Donc là, le clitoris arrive avec Masters et Johnson dans les années 50. Ce sont les premiers à dire « les femmes jouissent, on peut le prouver ». Et donc ça, c'est très important, parce qu'ils vont préfigurer la révolution de 68-70, au sens où ils donnent une légitimité médicale, une légitimité physiologique à la capacité orgasmique des hommes et des femmes. Et donc, ils vont traiter même la réponse sexuelle de façon complètement symétrique et universelle. Et donc, ils sont en fait des champions de l'égalité, on pourrait dire, même s'ils se heurtent à des tas de difficultés dans l'énoncé de leur volonté de produire une théorie égalitaire de la réponse sexuelle humaine du côté du féminin et du masculin. C'est un biais aussi, cette réponse égalitaire. Non, voilà, elle produira d'autres biais. Mais à ce moment-là, c'est très intéressant de voir que le programme scientifique et politique qu'ils accomplissent, finalement, consiste à dire, quelle que soit la nature de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de se masturber, qu'il s'agisse d'avoir une relation homo-érotique, hétérosexuelle ou d'autres, tout autre type, l'orgasme est le même physiologiquement, pour les hommes et pour les femmes. Ils en font une fonction humaine naturelle. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils disent, avoir un orgasme, ou jouir, ou avoir une activité sexuelle, c'est du même ordre que pleurer, manger, dormir. Ils sont révolutionnaires au sens où ils disent que la sexualité et la fonction orgastique est une fonction biologique. Pour l'essentiel, Masters et Johnson continuent à penser dans un cadre hétérosexuel et conjugal. C'est-à-dire que même toute la clinique qu'ils vont développer pour aider les personnes qui ont des difficultés, elle s'adresse au couple. Ils ne s'adressent pas à l'individu. Ils essayent de réparer la relation avec cette idée que vous avez eu de mauvais comportements liés à la répression sexuelle, sociale, intime, morale, religieuse. Donc il faut déprogrammer, reprogrammer. Là, l'idée, c'est qu'on peut reprogrammer les comportements sexuels des adultes par des thérapies qu'ils mettent au point, assez complexes d'ailleurs. Qui mettent en valeur le clitoris, c'est ça ? Alors, qui mettent en valeur la masturbation, l'automasturbation et la masturbation réciproque. Donc du coup, aussi le clitoris. Oui, voilà. Donc on a toute une sorte d'industrie qui se met en place, une industrie de la clinique thérapeutique des dysfonctions de la sexualité conjugale. Et puis, il prépare un terrain qui est que la vie sexuelle est quelque chose qu'on peut pratiquer, hommes et femmes, et qui peut faire l'objet de remédiation, et que avoir du plaisir, c'est normal physiologiquement. On nous dit de plus en plus régulièrement que le sexe a des bénéfices. Alors c'est vrai. Maya Mazorette, auteure et blogueuse. Mais ça fait qu'on attend quelque chose de la sexualité en permanence, qu'il y a un espèce de programme qu'il faudrait suivre. Et ça se retrouve finalement dans les conseils sexuels qu'on donne, qui ressemblent souvent à des feuilles militaires, comme ça, des espèces d'ordres de bataille, où il faut faire ceci dans tel ordre, et puis alors on va s'embrasser, et puis après on va se caresser, et éventuellement il y aura du sexe orogénital, et puis il faudra qu'il y ait une pénétration, il faudra qu'il y ait une éjaculation, il faudra jouir. Ouais, tout ça est formidable, hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne se laisse pas forcément beaucoup surprendre par la sexualité, parce qu'on a besoin d'être rassuré, donc être rassuré, ça vient avec des codes. Les codes, on les applique, et finalement, bah, on récolte exactement ce qu'on sème. Si on arrive avec une feuille de bataille, bah, peut-être qu'on gagnera la guerre, mais peut-être qu'on n'avait pas envie de faire la guerre. Parce que le clitoris, on le représente souvent comme une sorte de petite sonnette. Oui, et puis on parle de détonateur orgasmique. Alors, c'est marrant, on est toujours sur comme ça, un espèce de vocabulaire un petit peu guerrier. Et puis le clitoris a peut-être plus à nous apprendre que juste cette fonction de détonateur, cette fonction de petit bouton sur lequel on appuie et puis là ça fait tout exploser. Ouais, est-ce qu'on a toujours envie que ça explose? Je suis pas sûre. Delphine Gardet. Alors, ce qui est plus singulier, c'est de penser que tout au long du XXe siècle, après les années 20, jusqu'aux années 50-60, après les années 60, jusqu'aux années 80, avant la redécouverte par Hélène O'Connell et d'autres du clitoris, on a eu en fait un siècle, un grand siècle de silence anatomique sur l'organe. Le travail que va conduire Hélène O'Connell, donc une des premières femmes urologues en Australie, entre 98 et 2005, va produire avec d'autres, hein, une série de travaux qui vont donc, entre guillemets, révolutionner nos connaissances anatomiques de l'organe. Elle va reprendre l'ensemble des planches anatomiques dessinées, hein, et va produire elle-même des dessins. Et puis, elle va procéder de nouveau à des dissections. Elle va étudier 10 cadavres d'âge adulte. Et enfin, elle va procéder avec d'autres au premier IRM, donc fonctionnel, d'un clitoris en action. C'est-à-dire qu'au fond, on n'avait jamais pensé à regarder à quoi ressemblait le clitoris et le complexe bulbo-clitoridien pendant un orgasme. Ce qui était une des questions qui intéressait Masters et Johnson, de regarder qu'est-ce qui se passe physiologiquement pendant un orgasme. Il faut attendre donc très tard, 2005, pour qu'on ait la première parution qui est relative à une vision donc des bulbes, du corps, des piliers, de tous ces tissus érectiles qui forment le clitoris, qu'on regarde en action, bon, au moment du coït. Tous ces éléments sont un peu fortuits, parce que au fond, O'Connell, elle travaillait pas, a priori, sur le clitoris. Elle travaillait comme médecin urologue, et donc, comme on l'a vu, peut-être on l'a mentionné tout à l'heure, l'urologie, c'était surtout une médecine du masculin, en fait. Hein, Donc là, elle s'était rendue compte qu'il y avait quand même des choses où, parfois, quand il y avait des interventions chirurgicales dans les zones périnéales masculines, on faisait attention à ne pas altérer toute une série de tissus et de vaisseaux sanguins pour maintenir des fonctions sexuelles des hommes. Et on s'était pas tellement intéressé à savoir comment ça fonctionnait pour les femmes. Et donc c'est là qu'elle a commencé à se questionner, à regarder et à étendre son spectre de questions et de visions. Et autour de cet ensemble urètre, vagin, clito et périnée, elle a finalement découvert ou mis en évidence un fonctionnement, en fait, une structure anatomique beaucoup plus complexe qui permet de parler donc de complexe bulbo-clitoridien qui relie donc le clitoris à l'arrière et au vagin. Odile Fillot, qu'est-ce qui reste pour vous encore à explorer? Quelles sont les investigations scientifiques qui demeurent sur le clitoris? Alors oui, sur le plan de la recherche biomédicale sur le clitoris, il y a encore pas mal de choses à affiner, à préciser. Tout simplement, les dimensions exactes, moyennes du clitoris, elles sont pas établies. Il y a encore des débats sur la nature exacte de certains tissus. Il y a un débat sur le gland du clitoris en particulier. Donc pour certains auteurs, il est érectile. Au sens où vraiment, enfin, il dispose de cavités et d'un mécanisme bien particulier qui fait qu'il se gonflerait sous l'effet de l'excitation sexuelle. Pour d'autres auteurs, c'est pas le cas. Et puis, ce qui reste vraiment à approfondir, à bien comprendre, c'est les relations exactes entre la variabilité physiologique et anatomique du clitoris et les différences qu'on peut observer dans la fonction sexuelle, en fait. Donc, comment est-ce que concrètement le fait d'avoir un clitoris comme ci ou comme ça, est-ce que ça se traduit concrètement par des variations dans ce qui peut donner du plaisir ou pas? Voilà, c'est pas encore bien éclairci. Maya Mazorette, vous, quand est-ce que vous avez découvert votre clitoris? Vous en avez un souvenir précis? J'ai le souvenir de l'avoir senti très jeune, à 12-13 ans, ce qui est un âge finalement assez normal pour les premières masturbations, mais c'était pas dans le cadre de la masturbation, c'était dans le cadre d'une expérience de son sexe, c'est-à-dire sentir que quelque chose là-dessous pulsait, quelque chose était en demande de satisfaction. Et je pense qu'à ce moment-là, parce que justement le clitoris est excisé culturellement, j'avais l'impression que c'était le vagin, alors que c'était le clitoris. Et que je me disais, tiens, essayons de toucher ce qui se passe à cet endroit-là, et que c'était l'expérience de la masturbation telle qu'elle était présentée dans les médias et dans les conversations entre jeunes femmes, c'était forcément celle de l'intériorité, c'était forcément celle de la pénétration. Donc paradoxalement, je pense que j'ai senti mon clitoris très jeune, mais je l'ai touché plus tard, quand j'ai eu les connaissances me permettant de comprendre qu'il était là. Et d'où le fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande, j'ai l'impression, de la part des jeunes femmes, d'avoir des connaissances sur la sexualité qui dépassent les représentations qu'on en fait dans la pornographie et aussi dans les films hollywoodiens. Parce qu'il y a encore une fois une dissonance cognitive entre ce qui nous est montré et l'expérience intime qu'on a de notre corps. Et que, quelque part, ça nous pousse à pas nous écouter. Et ça commence par le clitoris, mais ensuite, ça entraîne plein d'autres choses. Pour dire les choses un peu simplement, on découvre le clitoris sur le tas, quoi. Absolument, mais je dirais que le clitoris est un organe qui ne se laisse pas ignorer quand même. Sylvie Chaperon, historienne. Enfin, nous en avons l'expérience. Le clitoris, on le sent, il bouge. Enfin, le clitoris, il a des érections, donc il se signale. Et donc les petites filles, quand elles se touchent, elles finissent par le découvrir. Mais effectivement, on peut dire à coup sûr qu'une petite fille qui va voir sa mère en disant « Maman, qu'est-ce que j'ai là? C'est bien agréable », elle va être abrouée. Hein, elle va dire, mais ma fille, de quoi tu t'occupes? On ne se touche pas de cet endroit-là, sauf pour se laver. Donc je pense que jusqu'à assez tard, c'est cette attitude-là qui a dominé. On va dire, c'est une hypothèse, on n'en a pas les preuves de source, mais quand on voit la conception de la sexualité qui domine, comme étant justement quelque chose qui doit être contrôlé, hein, et mis au service de la reproduction et du couple, et non pas au plaisir individuel, c'est ce genre de réactions-là qui ont eu lieu, jusqu'à ce qu'on nomme, de façon quand même assez réaliste, ce qu'on appelle la révolution sexuelle. Alors je dirais qu'il y a des hommes, hein, et notamment Kinsey, le premier, ou Dickinson, juste avant, dans les années 40, qui ont écouté les femmes, hein, et qui ont fait des grandes enquêtes, et qui ont écouté les femmes, et Kinsey, il a affirmé très très clairement que le plaisir venait du clitoris pour les femmes. Donc le premier rapport sur la sexualité masculine, c'est 48, et le rapport sur la sexualité féminine, c'est 53. Mais à quel moment l'expérience vécue par des femmes est-elle traduite par des femmes? Comme cette expérience, par exemple, clitoridienne. C'est le MLF. C'est vraiment pendant le mouvement de libération des femmes. Donc, c'est la fin des années 60, c'est les années 70. Et c'est à partir de ce moment-là où non seulement il y a eu ce qu'on appelle la critique féministe des sciences, hein, c'est-à-dire des discours extrêmement radicaux critiquant l'androcentrisme des sciences, et où on a eu effectivement la mise en avant de l'expérience subjective des femmes comme étant une base de savoir légitime de production du savoir. C'est ce qu'on appelle les groupes de parole, les groupes self-help, autant de groupes féminins qui pratiquent l'horizontalité, le dialogue, la sororité, hein, pour reprendre le terme qu'elles mettent en avant. Et l'idée, c'est vraiment de partir des expériences des femmes pour monter en généralité et affirmer que ce qu'on pensait être particulier à une femme est en fait concerne toute une classe des femmes, et notamment la frustration sexuelle et le non-plaisir sexuel dans l'hétérosexualité. Alors, ce qui a donné lieu notamment au rapport Haidt aux États-Unis, qui est une sorte de nouveau rapport Kinsey, mais là, vraiment orienté vers les femmes. Donc, je crois qu'elle a interrogé 900 ou 1000 femmes sur leurs expériences de l'hétérosexualité, leurs expériences masturbatoires et leurs expériences aussi de pratiques sexuelles lesbiennes. Alors, il en ressort que le coït hétérosexuel, qui a figuré pendant des siècles dans la science comme étant l'acte sexuel par excellence, est l'acte sexuel qui fournit le moins de plaisir aux femmes. C'est ça, la conclusion de tout ça. Et donc, il faut changer la sexualité, et non pas les femmes. You hit a strings, nigga. But on the flip side of this thong shit, this is what bitches talk about. What niggas need to do with what's in the thong. Heard me? Yo, check it out. Cause I'm gonna get the nut, nut. Head like what? Hands under my butt, butt. You need to lick it again. Ce livre, Marie Herrmann, Notre corps, nous-mêmes, quand est-ce que vous l'avez eu entre vos mains? Alors, je l'ai eu pour la première fois entre mes mains à l'adolescence. C'est ma mère qui m'a signifié qu'elle n'arriverait pas à me parler de toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là étant les règles, la contraception, la sexualité, tout ce qu'on est censé savoir à peu près à l'adolescence. Et donc elle m'a prêté la version de 1977, donc Notre corps, nous-mêmes, qui avait à l'époque été adapté par un collectif d'autrices françaises d'après le livre américain. Et elle me l'a prêté, elle me l'a pas donné. Vous y avez jeté un coup d'œil. Ce coup d'œil, il était curieux, il était rapide, il était embarrassé. En fait, dans mon souvenir, j'y suis revenue plein de fois. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup marquée. Il y avait par exemple le fait qu'elles aient pris conscience de l'interdiction de se mettre en colère quand on est une femme et de la difficulté du coup de le faire. Du fait que quand on s'énervait, quand on est une femme, on est tout de suite traité d'hystérique. On nous dit qu'on ne se contrôle pas, qu'on sort de nos gonds, ce qu'on ne dit jamais à un homme. Ça m'avait énormément marqué. Je me souviens aussi très précisément de comment elle décrivait l'appareil génital féminin avec des objets de la vie quotidienne. Donc elle comparait, alors je me souviens plus exactement, mais il y avait des fruits, il y avait un rouleau de PQ, enfin pour bien se représenter l'utérus, le vagin. Ça, je trouvais ça génial parce que je trouve que c'est généralement assez difficile de se représenter les choses. Et l'autre détail qui m'a énormément marqué, qui est loin d'être un détail, c'était vraiment le fait qu'il y ait énormément de femmes différentes qui parlaient. Et en fait, ça, c'est encore un truc qui me marque aujourd'hui parce que je vois pas d'autres exemples de ça, en fait. Je sais pas, enfin, je me souviens qu'à l'époque, ça m'a complètement scotché. De tout d'un coup être confrontée à un livre qui ne me disait pas les choses doivent être comme ci et pas comme ça. Et ton corps, il est normal s'il est comme ci et pas comme ça. Tout d'un coup, on me disait, en fait, il y a plein de possibilités. Il y a plein de sexes féminins différents, de vulves différentes. Il y a plein d'hymens différents. Il y a plein de choix de vie différents. Il y a plein de manières de vivre sa sexualité. Il y a plein de manières, justement, de se mettre en colère, de se découvrir. Et pour moi, ça ouvrait des perspectives inédites. Je trouvais ça fou. Et d'autant plus à l'adolescence, qui est quand même un âge où on veut désespérément être normal à tous les niveaux. Donc c'est un geste très volontaire de la part de votre mère. Sur le moment, j'avoue, un peu triste de ne pas pouvoir parler de tout ça avec elle. Mais en réalité, je suis aussi très contente, évidemment, d'avoir eu cet outil-là. Parce que je pense qu'il a été extrêmement libérateur pour moi. Et que justement, cette possibilité moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, de pouvoir choisir des figures auxquelles je m'identifiais ou pas. Dans ce livre, oui, d'avoir vraiment de me dire, ah tiens, ça me plaît bien, ça, j'aimerais bien que ma vie sexuelle commence comme ça. Ou de me dire au contraire, oulala, ça a l'air très compliqué, ça me dit pas du tout. Et justement, d'avoir cette possibilité d'anticiper les choses. Ce qui est, à mon avis, quelque chose qui manque énormément, et encore plus quand on est une femme, et on en a d'autant plus besoin que c'est quand même pas des vies toujours très évidentes qui nous sont proposées. Je pense que on passe notre temps en tant que femme à être confrontée à des événements inouïs, enfin dont on sait pas quoi faire, qu'on sait pas comment aborder, et qu'on a extrêmement besoin de se raconter les unes aux autres ce qui va nous arriver. Oui, bien sûr, là on est dans les années 60, 70, avec les femmes comme Annie Sprinkle, je crois que c'est la plus connue, militante féministe. Maya Mazoret. Et qui proposait donc des ateliers d'auto-exploration, notamment par exemple en montrant le col de son utérus à d'autres femmes. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on a cette idée que forcément le sexe il est caché et que donc il est inconnaissable. Et j'imagine que c'est particulièrement important pour les femmes parce qu'on a un sexe qui est réputé comme étant caché. Donc des fois, le voir soi-même, ça demande soit à le voir, alors peut-être avec son corps, avec le toucher, avec le goût, soit avoir un miroir et puis alors faut faire un petit peu des grands écarts et des choses comme ça. Donc il y a effectivement le besoin du regard féminin, parfois extérieur, pour se réapproprier le sien. Et je trouve qu'on le voit pas mal d'ailleurs sur Instagram, sur les comptes de jeunes femmes très militantes par rapport à la sexualité, où le female gaze, donc ça veut dire le regard féminin sur son propre corps, et ben justement en fait va passer par des autoportraits. Nous avons redécouvert la force des échanges entre nous, certes encore trop peu nombreux, mais qui nous ont permis de voir ce que nos expériences avaient en commun. Cela n'a pas toujours été simple, tant cet endroit de nos vies est intime. Nous avions parfois envie de le préserver de nos réflexions, de peur de l'abîmer. Comprendre que la sexualité n'est pas exempte des rapports de pouvoir a été douloureux, mais aussi libérateur, et cette prise de conscience a commencé à nous transformer. Nous avons repris les réflexions des générations précédentes, là où elles avaient été laissées, pour continuer à inventer ce que serait une sexualité consciente et critique des rapports de domination, éloignée des schémas hétérocentrés, une sexualité plus épanouissante, plus joyeuse, plus libre. Je jouis assez systématiquement quand on me mord au creux de l'épaule. Ça surprend la première fois et je m'interdis de le révéler. Il faut que l'autre le découvre tout seul. Camille, 35 ans. J'ai eu une histoire particulière avec un homme qui avait développé une sexualité sans érection. On a imaginé des pratiques bien à nous, sans pénétration, et j'ai eu du plaisir comme jamais avec d'autres. Ça a été un gros point difficile quand on s'est séparés, parce que je n'arrivais pas à imaginer autre chose. Sylvie, 45 ans. Je l'ai croisé plusieurs fois dans la rue quand j'avais 80 ans. Il me disait que j'étais belle, que j'avais de beaux yeux. Je pensais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Me faire encore emmerder à mon âge? C'est du harcèlement ou quoi? Et puis, un jour, on s'est fait la bise. J'ai pensé, il a la peau douce. Je suis bien bête de ne pas y aller. Marcel, 84 ans. Marie Herman, de manière collective, vous avez décidé de renouveler ce geste-là, qui est de réécrire une nouvelle version de notre corps nous appartient. Qu'est-ce qui, à première vue, là, vous semble avoir changé entre cette nouvelle version et la précédente ? Oui, alors... Je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, et je trouve que c'est difficile de l'avoir en tête, c'est qu'à l'époque, elle n'avait pas Internet. Si aujourd'hui, on a accès à une profusion d'informations, et si on peut taper tout et n'importe quoi dans Internet, on ne sait jamais à quel point ce qu'on trouve est fiable et à quel point ce qu'on trouve est bienveillant. Et c'est en ça que, même si, évidemment, en tant qu'éditrice, je suis en proie au doute constant, parce que ça fait partie du métier. Donc je me suis quand même demandé plusieurs fois, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire encore un livre? Et en fait, je pense que oui, entre autres pour ça, parce que là, l'idée, c'est de diffuser une information fiable, une information vérifiée, qui a été écrite et établie en concertation avec des médecins. C'est une information qui ne sort pas de nulle part et qui n'est pas... Même si, encore une fois, on met au cœur de ce livre le savoir empirique, le savoir qui se construit à travers l'expérience des femmes elles-mêmes, tout y est vérifié. Et on sait, en entrant dans ce livre, qu'on va être accompagné et accueilli. Et il y a un vrai effort fait pour justement ne pas donner l'impression qu'on parle depuis un lieu moralisateur ou normatif. Il y a vraiment ce souci de parler... en laissant le choix aux femmes, en leur laissant la liberté, en fournissant des informations parmi lesquelles elles pourront choisir ce qui leur convient le mieux. Donc en fait, il y a de nombreuses années, j'avais trouvé ça dans un truc en espagnol, mais traduit de l'anglais, voilà. Je te présente, et je ne crois pas, en fait, malgré les très jolies représentations en 3D qu'il y a maintenant, qu'il y a ce joli schéma qui différencie le clitoris au repos et le clitoris en érection. Jules Falquet, sociologue. Là, tu le vois au repos, là, tu le vois en érection, tu vois qu'il n'a pas du tout la même allure. Donc, Anatomia del clitoris, Grupo de musculos del clitoris. Nous, c'est de l'espagnol. Oui, voilà. Et je m'étais dit, à cette époque-là, en plus, souvent, les représentations sont de face. Et je m'étais dit, bah, je ne retrouverai jamais ailleurs. On ne trouvait aucune représentation. Et donc là, c'est ce qui explique aussi, qui permet de comprendre le phénomène de l'éjaculation féminine. Parce qu'en fait, en 92-93 au Salvador, on avait un documentaire fait par Fanny Fatal et d'autres sur How to Female Ejaculate. Et on l'avait traduit en espagnol et on a fait genre 2-3 projections. Mais on essayait de comprendre, est-ce que l'éjaculation féminine existait? Est-ce que le point G existait? Alors, pour comprendre là ce premier schéma, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, Jules Falquet, simplement? Alors, en fait, il représente déjà le clitoris comme organe interne et c'est une vue de profil. En général, nous, ce qu'on voit sur les rares dessins qu'il y a, c'est un petit point vu de face. Donc, on peut absolument pas ni comprendre quelle est la forme de l'organe, ni que c'est un organe à part entière, et encore moins situer la partie du clitoris interne ou intérieure où se produit un liquide qui, au moment de l'excitation, c'est à ce moment-là qu'il est produit, en fait, c'est un espèce d'homologue ou de famologue, si j'ose dire, du corps spongieux qu'on trouve dans le pénis, et il produit ce liquide, visiblement, hein, tel que je comprends les choses, et ce liquide, éventuellement, peut être expulsé par le canal de l'urètre au moment d'un plaisir culminant, par exemple. Ce qui était très surprenant, c'est que, alors que nous savons de quoi est faite l'atmosphère de la planète Mars, et j'en passe et des meilleurs, pour un organe qui se trouve beaucoup plus proche de nous, et quand même dont beaucoup plus de gens ont l'usage que de l'atmosphère de la planète Mars, a priori, eh bien, en fait, on n'est pas très sûr, est-ce que ça existe vraiment, comment ça marche vraiment, enfin voilà. Et en tout cas, à l'époque, c'était vraiment, il y avait tout un doute considérable, et même Fanny Fatal, qui est donc une féministe, qu'après a été, travailleuse du sexe, donc on suppose que quand même elle connaît un peu le truc, qui a fait plusieurs documentaires sur comment être une sex-goddess, comment, etc. Enfin, une déesse du sexe et l'éjaculation féminine. Eh bien, elle était venue présenter un ouvrage à Paris dans les années, donc je pense 90, et dans cet ouvrage, elle expliquait, et elle nous avait dit texto, qu'en fait, on n'était pas très très sûr de grand-chose, en fait, à propos de l'éjaculation féminine, d'où vient-elle, où va-t-elle, voilà. Ni la substance. Alors, une des uniques certitudes, c'est que ce n'est pas de l'urine, une autre certitude, c'est que ce n'est pas la même substance que celle qui est produite par les glandes de Bartholin, un charmant anatomiste qui a dû découvrir ces glandes qui sont celles qui produisent la lubrification. Donc c'est pas la même chose. Alors ça a été, il me semble que c'est Monique Wittig qui a proposé de l'appeler cyprine, cette sécrétion. Et en fait, quant à sa composition, alors apparemment elle est variable selon le moment du cycle, elle est variable en quantité, en texture, etc. Et puis alors... de quoi elle est composée au juste, personnellement, je ne sais pas, mais je crois que c'était pas follement clair. Est-ce qu'elle sert à quelque chose? C'était pas non plus follement clair. Voilà. Et c'est un grand renversement de perspective d'imaginer que tout à chacune, nous pouvons éjaculer. C'est clairement... Donc, quand on projetait le film, on l'a passé au moins 2-3 fois à San Salvador, donc en Amérique centrale, juste après la fin de la guerre. Ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était de voir le visage des participantes et l'étonnement que ça provoquait. Et puis après, une autre chose que je trouvais intéressante à l'époque, c'était l'idée que, bah, en fait, par exemple, des femmes ayant déjà accouché, en fait, elles sont, pendant l'accouchement, on développe, celles qui accouchent par les voies naturelles, comme on dit, elle développe une plus grande, comment ça s'appelle, vascularisation de toute la région du périnée, etc. Et donc, en réalité, souvent, après, elles ont plus de facilité à avoir du plaisir sexuel et notamment aussi à éjaculer. L'une de nos actions a été de rebaptiser les glandes du point G, glandes d'Anarcha. Officiellement, elles portent encore le nom de Sken, gynécologue du 19e siècle, ce qui n'a aucun sens d'après notre collectif. Anarsha est le nom de l'une des trois esclaves noires d'Alabama qui, dans les années 1840, ont subi jusqu'à 30 opérations chirurgicales abominables, sans anesthésie, sous le bistouri de J. Marion Sims, gynécologue et inventeur du spéculum, qui s'exerçait sur elles comme des brouillons humains pour préserver le confort des femmes blanches sur lesquelles il comptait mettre ses recherches en pratique. Même ce petit spéculum qui n'a l'air de rien comme ça, est le fruit d'une désolante rencontre entre racisme et sexisme. Pensez-y, la prochaine fois que vous aurez les pieds dans les étriers. Et donc, j'avais quand même été aussi assez surprise en arrivant au Mexique. Donc là, on parle de novembre 89. Donc j'ignorais que le 25 novembre était une date contre les violences et tout. Je tombe dans la manif à Mexico. Dans la manif, je rencontre des jeunes féministes punk de quartier populaire et tout, qui faisaient un fanzine, donc elles m'ont invitée. Et elles me disent, bon, bah alors voilà, on fait un atelier, enfin il y a un groupe qui nous donne un atelier, et en fait il y a deux femmes qui arrivent, plus âgées, et qui faisaient un atelier, c'est une série sur justement la sexualité, et moi j'avais jamais été dans un truc comme ça, quoi. Alors maintenant on va parler des positions pour faire l'amour et tout, donc nous savons que la plupart d'entre vous n'ont pas nécessairement déjà eu de relations, donc on a amené des photos, des illustrations pour que celles qui veulent regarder, les autres sur la base de leur expérience, enfin voilà, faites comme vous voulez, mais donc mettez-vous par groupe, même par deux, discutez de votre position préférée et après vous la montrerez au groupe. À mon avis, bien sûr, mais quand même. Moi, j'étais là, waouh, incroyable. Et puis, alors, je me souviens qu'il y avait eu une discussion justement après sur le point G et les animatrices en parlaient. Et moi, je dis, non, mais c'est pour réhabiliter la pénétration, machin. Et c'était drôle parce qu'en fait, après, je me suis rendu compte que c'était des lesbiennes, les deux. Ça devait être un couple. Elles avaient fait 69, pardon, c'est à cause de mon anniversaire. Elles illustraient comme position, parce que, genre, pour commencer, quoi, pour mettre un peu les autres à l'aise. Et parce qu'il fallait, entre guillemets, mimer la position rapidement et expliquer pourquoi, quels avantages on y trouvait, enfin, pourquoi on la trouvait chouette, voilà, quoi. Alors, c'est vrai que on parle toujours du corps des femmes avec des mots où les hommes sont très présents. Enfin, on a les glandes de Skene, on a les glandes de Bartholin, on a même le point G fait référence à un médecin. Marie Herman. Tout ça, c'est des médecins qui ont donné leur nom à des parties du corps féminin. Je trouve que déjà ça, c'est quand même très troublant. Et en plus, bon, on ne sait pas les situer, mais on sait pas non plus pourquoi ça s'appelle comme ça, et peut-être que c'est pas une bonne idée de les appeler comme ça. Donc, dans ce livre, il y a aussi une démarche pour proposer d'autres mots, d'autres noms. Puis c'est plus facilement saisi par les femmes, qui puissent être plus facilement représentables. Oui, par exemple, on parle des glandes du clitoris. Ça me paraît tout à fait acceptable comme dénomination. Et puis c'est vrai que on s'appuie par exemple sur les recherches finalement très récentes qui ont été faites sur le clitoris qu'on ne savait pas modéliser jusqu'à peu. Enfin, je pense qu'il y a aussi énormément de méconnaissances sur les questions de la sexualité. Ça, c'était aussi un constat qu'on a fait pendant l'écriture du livre. Ça va pas. Ça va pas bien. Les femmes ont une sexualité qui est franchement pas très satisfaisante. Et ça n'a pas beaucoup évolué. Et ça a aussi évidemment trait à leur connaissance de leur corps et à ce qu'elles s'autorisent à en faire. Ce qu'on nous propose, c'est de pimenter notre vie sexuelle. Maya Mazorette. Avec des pratiques qui sont systématiquement liées à des émotions pas mauvaises mais désagréables, qui sont la peur, la contrainte, la douleur, l'humiliation, le dégoût. Et ça passe par tout ce qu'on nous recommande dans les magazines, en fait. Donc le bondage, la domination, le sadomasochisme, l'orgie, le fait d'avoir le sentiment d'être pas la personne préférée de ses partenaires. On nous propose ici de faire du quick sex, du dirty talking. Alors ça veut dire faire du sexe très rapidement, faire du sexe en se parlant mal. Moi, je trouve ça très étrange et très suspect que pour s'amuser sexuellement, on nous propose toujours de faire des pratiques qui nous font mal, qui nous font nous sentir pas très désirables, éventuellement qui nous enfoncent, qui nous insultent. Et moi, c'est l'imaginaire sexuel avec lequel j'ai grandi, qui était de dire la transgression sexuelle, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant à faire. Alors déjà, la transgression, elle n'est pas très transgressive, parce que ça fait des millénaires qu'on nous parle d'une sexualité où quelque part le plaisir se paye par la honte, par la douleur. Et puis ensuite sur le fait qu'il n'y aurait pas d'alternative, alors qu'évidemment il y a des alternatives qui fassent pas mal et qui fassent pas mal aux femmes, parce que c'est toujours aux femmes qu'on demande de se faire mal. Les hommes qui vantaient les délices d'une sexualité de la transgression quand j'étais adolescente ou jeune adulte, qui disaient mais c'est bien la douleur, c'est bien les choses très sombres, très noires, la dissolution, les choses comme ça. Il était évident que eux ne voulaient pas être attachés, que eux ne voulaient pas être frappés. Et évidemment, parce que la douleur fait mal. Et c'est cette dissonance cognitive constante à laquelle les femmes sont soumises, qui est dire le sexe est meilleur quand il fait un peu mal. Enfin, si je ne sais pas, on m'avait donné 1 euro à chaque fois que j'avais entendu cette phrase, je serais tellement riche aujourd'hui. Évidemment, de pouvoir dire aujourd'hui que le sexe est meilleur quand il fait du bien, c'est ça la subversion aujourd'hui. C'est de dire qu'il faut s'écouter, que la douleur fait mal et que le plaisir fait du bien. Et j'ai l'impression que les femmes ont encore un petit peu du mal à se faire confiance et à se dire voilà, là, s'il y a un truc qui me fait formidablement du bien, eh ben c'est ça qu'il faut que je fasse et pas le reste. Certains hommes peuvent être inquiets du clitoris, se reprocher à leur partenaire de se caresser le clitoris, presque d'avoir un certain plaisir de façon autonome, sans eux. C'est très difficile pour les hommes de lâcher prise et de renoncer au fait qu'ils soient là pour donner des orgasmes. Et c'est marrant parce que, évidemment, si les femmes se donnent des orgasmes toutes seules, alors dans ce cas-là, l'homme devient dispensable. Et je comprends évidemment pourquoi ça reste très subversif, très embarrassant, dispensable. Dispensable. Oui, l'homme devient dispensable, c'est-à-dire qu'on peut s'en dispenser. Moi, je dirais que l'organe clitoris, on en a besoin. Et c'est essentiel qu'on le connaisse, puisque connaître, enfin, savoir ses pouvoirs, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc connaître ce qu'il en est de la physiologie de l'orgasme, c'est une des façons, une des modalités par lesquelles on peut s'approprier la maîtrise de son corps, vivre sa vie, sa sexualité, en gagner de la capacité d'agir, donc au niveau sexuel, symbolique, social, politique. Hein. C'est rigolo de faire dessiner des clitos complets aux petites filles, c'est important, il faut le faire, et aux petits garçons. C'est très utile de voir des complexes bulboclitoridiens dessinés à la craie dans les rues, ça permet de susciter la discussion, de réfléchir justement à tout ce que nous ne savons pas ou ne voulons pas savoir. Donc il n'y a pas d'expérience sans le corps, mais il y a aussi toute cette dimension, alors du symbolique, de la culture, etc., qui doit être aussi maintenue et peut-être à un autre endroit, avec une psychanalyse ou d'autres formes de symbolisation rénovées, plus ouvertes aux itinéraires autres que la seule norme androcentrée, hétéronormée, avec tout ce qu'elle a pu commettre de méfaits contre les femmes, contre les homosexuels. Bon, donc il ne faut pas fétichiser l'organe, il faut l'utiliser et pour réfléchir. Que c'est bon d'être demoiselle. Au-delà du clitoris, tout le plaisir est pour moi. Car le soir, dans mon petit lit. Un documentaire de Nejma Bouakra. Quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit. Avec Maya Mazorette, auteure et blogueuse, Odile Fillot, chercheuse indépendante, Delphine Gardet, sociologue du genre et historienne, Nathalie Recordon, sexologue, Sylvie Chaperon, historienne, Marie Herrmann, auteure et éditrice, Jules Falquet, sociologue. Lecture de Anne Stéphans. À la coordination, Perrine Kervran, chargée de programme, Marie-Vonne, à Bolivier. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot. Je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être que je fais le jour durant, où cela tient tant peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Médecin, psychanalyste, psychiatre, femme, sœur, mère ou fille, LSD c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au lit, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons questionner l'héritage de Baldwin aux États-Unis.